supposément développer quelque chose qui va aller au-delà de l'intellect, qui va être une perception qui est immédiate. C'est-à-dire, il n'y aura pas de médiation. Si tu sais quelque chose vibratoirement, au fond de toi-même, tu n'as pas à le voir. Tu n'as pas à. T'as pas passé par l'expérience pour avoir une confirmation, une compréhension. Ouais, ben, c'est une vue dans la vue. C'est une vue avant de voir. C'est comment je pourrais dire Une ça? apperception. Ouais, ben, on pourrait voir ça comme. Il n'y a pas de reconstruction informationnelle du monde au niveau de l'intellect. Ça devient inutile. Là, à ce niveau-là, l'être humain, il a recouvré sa nature animale, mais pas au sens d'être possédé par elle, mais au sens d'une épuration du psychologique, de son vieil égo. Il revient à des structures de base pour recommencer. Mais là, ça devient. On verra.